بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Mutaniki, حفظه الله تعالى. الدرس الواحد والعشرون. 21e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد طيب سنراجع الكلمات من الدرس السابق. أسألك أين هي؟ طيب كان الدرس بعنوان شرطي المرور. ما معنى شرطي المرور؟ اقرب حتى يسمع صوتك. نعم إشارة. لا الآن إشارة dans ce texte en fait il veut dire dessine peut-être par la main quand le policier fait dessiner avec sa main comme ça. C'est ça qu'il veut dire. عبور كان جاء في الحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كعابر السبيل كعابر السبيل celui qui traverse un pont. غابر c'est l'isme فاعل de هذا. نعم كالغريب غابر السبيل c'est traverse seulement. إبراز رخصة القيادة. إطفاء. اتجاه. الشاحنات. ديانة. كاميون. شحنة. حوانيت. نفق. نفق. المشاء. المشاة. عفوا. طيب. نعم. سنرجع إلى. أخذنا التدريب الأول كذا. On a fait le 1. On a fait une parenthèse avec l'islam radical. Je sais pas si on avait commencé le. On a commencé, on n'a pas terminé. Non, je crois pas, on l'avait fait. Khalas. Babel. Mouraja, on le refait, c'est pas grave. Si on l'a fait, ben voilà. تدريب الأول أجيب عن الأسئلة التالية. في أي وقت خرج أحمد؟ أكل أكلر خرج أحمد؟ خرج بوقت بداية اليوم الجديد. يعني في الصباح. لما تان لماذا فضل أحمد الذهاب ماشيا؟ قصدي أحمد préféré partir à pied. فضل الوقت لأنه وقت واسع. لأن كان أمامه وقت واسع. أذكر بعض ما شاهد أحمد أثناء سيره. مدارس حيوانات ومطاعم والمكاتب. من الذي لفت نظر أحمد؟ لفته لفت نظره أو نظره شرطي المرور. ما الذي كان تحمل السيارة الكبيرة؟ تحمل شحنة من الحديد. نعم. Transporter une charge de fer. عن أي شيء سأل شرطي سائق السيارة؟ Sur quoi est-ce que le policier a interrogé ou a demandé au chauffeur du camion Sayara, mais voilà. نعم. لماذا وقف شرطي بجانب السائق؟ Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à côté du chauffeur? لأنه يسير السائق في الطريق ال في الطريق غير ممسوح مسموح لا ما هو هذا لا يتدمن pourquoi est-ce qu'il s'est mis sur le côté avec lui pas pourquoi il lui a parlé là c'est pourquoi il s'est mis à cet endroit là particulier sur le côté. Ah, c'est la cause pour laquelle il a arrêté. Maintenant, une fois qu'il a arrêté, il s'est mis sur le côté avec lui. Pourquoi il s'est mis sur le côté avec lui? حتى مرت سيارات عديدة للإطفاء. Jusqu'à présent, l'itfa, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Khaïn, il s'est mis sur le côté pour que la voiture puisse passer. J'ai oublié la 7. لماذا طلب شرطي من سائق السيارة أن يسير في اتجاه الآخر؟ نعم، parce qu'il empruntait un chemin non autorisé. كيف استقبل سائق توجيه الشرطي؟ Comment est-ce que le chauffeur a accepté la directive du policier? Comment est-ce qu'il l'a reçu? كيف استقبل التوجيه؟ كيف؟ Bien, pas bien. قبيل استكبر تواضع فرحة oui, مقبول mais comment مقبول مقبول c'est dire c'est accepté donc là tu as apporté de nouveau la question là il te dit qu'il l'a accepté mais comment à quel ton de quelle ambiance est-ce qu'il l'a fait à l'ancienne lorsqu'un policier t'arrête tu t'énerves بكل سرور وشكرا إلى ومصر عاشرا أين أوقف الشرطي السيارات الكبيرة بقرب من إشارات المرور أو بعيدا عنها ولماذا أيوة سيلا لا كيستيون en fait. بجانب في الحقيقة لا لا عشر لا réponse c'est qu'on a dit à la 7 à la 8 la 7 c'est لماذا la 8 en fait la réponse de la 8 vous vous trompez c'est celle là qui va avec la 10 pourquoi est-ce que où est-ce qu'il s'est arrêté où est-ce qu'il s'est stationné avec le camion parce que c'était loin ou proche du feu et pourquoi En fait, il s'est mis sur le côté justement pour que les voitures puissent passer et voir le feu. Et quand on dit l'itfa, ça nous apparaît maintenant de ma'ana. Ma'ana pour que les gens puissent voir les feux, en fait, je pense. Voir pour leur indiquer qu'ils peuvent passer. Allah a'lam. Allah yazhar anou hada. نعم التدريب الثاني يقول لا شك أنك شاهدت شرطي المرور وهو يؤدي عمله اكتب ثلاثة جمل عما يأتي donc il faut aucun doute que tu as déjà vu un agent de circulation qui applique sa fonction alors écoute écris trois phrases à propos de ce qui suit أولا سيارة شرطي المرور La voiture. Fais une phrase. La fatana d'or, الفعل ما هو في كل في سجاء ولا فاز إذن إذا كان الفعل مؤنثا مفردا فكيف يكون الفعل لفتت يعني تأنيث ساكنة معنى هي لفتت نظري سيارة الشرطي مرت سريعة Oui, elle avait quatre roues aussi, non? Elle avait quatre roues. Elle avait un volant. Elle avait du rétro extérieur. Allez, là, celle-là, je te la laisse pas. Trouve-moi-en une bien. Tu t'as dit quoi, Marat Sierra Toshorty? Elle est passée? Ouais. Passée à grande vitesse. Moi, ce que je me rappelle, les agents de circulation, ils sont à pied. Non ? Ils sont posés dans un coin de voiture. Hein ? J'ai compris qu'on parlait de la description. Ouais, mais je veux dire, même si une voiture, elle n'est pas en service, elle est posée, elle est garée. Parce que lui, il est stationné dans un coin et il fait des gestes et tout. Quand même, c'est ce que je me rappelle. Donc, il dit décrire la voiture comment elle est. Peut-être qu'il vient d'arriver, c'est possible. Ah possible. Non, j'ai compris la description d'une voiture. Déjà la circulation. Encore, ouais, même je crois que c'est. Ouais. Koul, il y a Beida ou Azarka. Elle est bleue et blanche. La voiture des flics est bleue et blanche. C'est quoi les modèles maintenant? Ils ont quoi comme voiture les policiers en France? Un noir mortalé. À mon époque, vous avez quoi? Des 406, je crois. Ils avaient des Citroën Xantia, je crois. Ce que je me souviens, sur la Champs-Élysées, ils avaient des J5. Tu sais, le camion. Ils étaient tous dedans. Ouais, ouais. Mais ils avaient la Xantia, ils avaient la 406, et ils avaient quoi à mon époque? Ouais, la fameuse Renault 21 Break. Les civils et la grise, la fameuse voiture connue. Ils avaient quoi d'autre encore? Une voiture? Enfin, il y en avait plusieurs. très, en tout cas, d'avoir des grosses voitures aujourd'hui. Les nouveaux modèles qu'il y a, qui existent. Je suis dépassé, t'as vu. Je connais pas les modèles de France maintenant, comment c'est. Non. Ouais. Taïeb, ça c'est la deuxième. Troisième. Non. Ah ouais. T'as dit Alif, t'as dit B. Il est où le Jim? J'en ai donné une en plus. Alhamdulillah. J'en ai soufflé une. C'est cool. Il y a Waqifa, elle est stationnée sur le côté. وفيها زميله يشرب القهوة. Il y a son collègue qui est en train de boire du café. مثلا. طيب ثانيا الملابس التي يلبسها. Son uniforme. Le vêtement qu'il a. ملابس خاصة لون القميص أزرق. Ah, لون إيش؟ لون القميص. Pour ta camis, le policier. Ah, c'est une erreur qui est dans Kitab de Médine, hein, que t'as pris ça. Kamis, une chemise, là. Un kamis, la définition, c'est un vêtement qui te couvre du haut en bas. Une chemise, elle te couvre pas de haut en bas. Ah ouais. Chemise, bah, il dit chemise ici. Ici, il dit chemise. Quand tu portes la chemise avec le Isa, ouais. Il dit chemise. Mais il y a un vêtement, on avait pris dans Boulot le Maram, mais j'ai oublié comment il s'appelle. Et Cheikh Ibn Hizam l'avait décrit, ça ressemble à une chemise. Un peu long, tu vois. Un peu comme. Ouais, comme le. Voilà, tous les Pakistanais là. Le haut. Et il dit que ça s'ouvre de haut en bas avec des boutons, il disait Cheikh Ibn Hizam. Donc ça c'était une chemise. Plus proche d'une chemise, mais j'ai oublié le nom. Il l'avait décrit. À la colline, chemise, qamis, c'est pas la tarjama. Donc dit Zay Yuhu. Zay c'est uniforme, costume. Zay. Hein? Ah, tu veux dire le haut. Toujours comme ça? C'est pas toujours. Parce que je me souviens, c'était ça. C'est la chemise, elle est bleu clair et le veston, il est plus foncé, plus marine. Ça c'est les képis, ceux-là. On appelle les bleus. Ama la BAC. C'est pas comme ça la BAC. Ouais, bon là on parle de chantier. C'est pas. Ils faisaient pas la circulation la BAC. C'était la Pocognier. En général. Comme le CRS. Quand ils débarquaient, c'était. Voilà quoi. Ouais, la circulation, ça on en avait plus hein, en France. C'était rare qu'il y en avait. Ils venaient juste quand il y avait des embouteillages. Il y avait un accident ou quoi, ils venaient pour essayer de. C'est... Ah mais il fait rien. Ah mais il fait rien lui, il fait office de présence, c'est tout, il ne sert à rien lui. Hein? T'arrêtes? Moi je m'en rappelle plus. Chemise bleu clair en haut, Nam, et en bas pantalon bleu marine. Kef, t'as quoi le bleu marine? Moi j'ai écrit. Tu dis Azrak Amiq, pour dire bleu foncé. Et clair, c'est Fatih. Azrak Fatih. Bleu clair. Il a toujours son sifflet? Non. Amiq, non. طيب ثم ها لا ولا با فيني سي ملابس. T'as dit la couleur. ça, j'ai écrit. ثم ça ma première. طيب والثاني c'est لون القميص لون de la chemise. Dis le juz al-a'la, la partie supérieure, comme ça. Juz al-a'la min zayyi azraq fatih. Azraq amir. Wa jim. Ah, tu comprends pas, c'est le premier, c'est le premier. Ah, qu'est-ce que tu fais? Jim. Par exemple, tu dis « Ou malabissou, le sept jamila ». C'est pas beau. Si c'est un uniforme, il est pas beau. Il est armé ? Pas armé, c'est juste un bâton. Avant, ils avaient des bâtons. Un bâton blanc. Ils dessinent comme ça. Va à droite, va à gauche et tout. Et ils sifflaient. Non, c'est pas le matraque, c'est un bâton d'indication. À l'ancienne. Il est pas armé celui-là. Mais ce qu'il ne peut même pas se défendre si on l'agresse. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, obligé, il est armé aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, obligé, il est armé. Ah, c'est une victime, c'est plus un policier. C'est comme les hirondelles, là, ce qu'il y en a, leurs petites mobilettes, là, dans les parcs, là. Plus municipal. Gardien? T'as la police municipale, c'est celle des petites communes. Et t'as les hirondelles. On voit pas les hirondelles, c'est qu'il y en a dans les parcs publics, avec leurs petites mobilettes, là. Non, c'est des policiers. C'est la police. Ils sont pas armés. Ils ont pas d'armes. Peut-être ils ont une matraque, mais ils ont pas d'armes. Dire policier sans armes, c'est comme un loup sans croc, tu vois. Ça sert pas à grand chose. C'est acte de présence. Parce qu'aujourd'hui, les petits jeunes, si t'as pas d'armes. Voilà quoi. Déjà même armé, ils te respectent pas, alors en plus t'es pas armé. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Là. Normalement, les hirondelles, je me souviens pas, ils n'étaient pas armés. Peut-être ça a changé maintenant. Attendez, Isharat Yadei. C'est gestuel. Les indications qu'il fait avec sa main. Hein? Yarfaou Yadei. Yarfaou Yadei, aïe. Il yuwakif al-sayara. Pour qu'il arrête la voiture. نعم طيب التدريب الثالث عندما كانت إشارة المرور حمراء جاء راكب مر دون أن يقف عند الإشارة فأوقفه شرطي المرور تخير ما دار بينهما من حوار فيما يلي il y a un moment où le feu est passé au rouge. Il y a un chauffeur qui est passé sans s'arrêter. Alors le policier l'a arrêté. Donc il s'est d'imaginer la conversation qui a lieu entre les deux. Et là il te met, ce serait en 1, 2, 3, 4, 4 phrases chacun. كيف فعلت الشرطي ايش يقول واقف لا قف سي الام دو وقفه عيب تو سيك السياره كيف سيدي السلام عليكم ما مسلم طيب السلام عليكم شرطي وعليكم السلام عليكم السلام شرطي يقول لا سيك السياره Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Walaikum Salam. Maintenant, c'est Sayara. C'est Softi. Qui dit Walaikum Salam? Non. Qui dit Salam Alaikum? C'est Softi. Donc. Attends. On recommence. Shorty, quand elle est Qif, tu m'as dit. Qif, salam alaikum. Ah, Toyeb. J'ai compris que salam alaikum, c'était l'autre. Ensuite, Saher, il y a un peu salam alaikum salam. Naam, Shorty. Alam tara, plutôt. Tu n'as-tu pas vu le feu rouge? Est-ce que c'est que c'est Yara? نعم لكن مستعجل نعم رأيتها رأيتها لكنني مستعجل ولكنني مستعجل ولكنني مستعجل c'est pendant que je suis pressé. ثم شرطي يقول تمام أعطيني رخصة القيادة القيادة il dit très bien donne-moi ton permis de conduire وصاير يقول ألا تسمى ألا تسامحني؟ ألا تسامحني؟ ألا تسامحني يا فندم؟ نعم مرفوع. شرطي يقول لا سماح على العصا لضرر الناس. على المخالفين. بتو. المخالفين. على من يخالف ال. شرط المرور مثلا سلكي لا يرسبكت با مثلا كي سوبوز او كود دو لا روت ثم سيقول صحيح شتو لي راديكال سافيك سان بوليسي راديكال كما اون ديزا il applique à la lettre لا ما صح لك il est radical on l'appelle comme ça ah ça ils sont gentils tes deux ton policier et ton gendarme. Ah. Hein? Au Yémen, c'est Alam Tarajta al-Muru. Hatta Zalat. Ben habillé. Tfaddal. Salam alaykoum, alaykoum salam. Ou Hakalkat, il va lui dire. Hop, il laisse passer. Déjà, il n'y a pas de feu. Ou alaykoum salam, qui va à l'ok. Déjà, s'il n'y a pas de feu, j'en ai vu peut-être deux ou trois, il ne marche même pas. Il n'y a pas de feu. Il donne un petit sachet de quatre, là, ça va laisser partir direct. De toute façon. Et je crois même pas qu'il va l'arrêter, de toute façon. Comment l'arrêterait-il alors qu'il n'y a même pas de feu, le feu ne marche pas. D'une part, tu vois. Inch'Allah, tayyib. Tadrib al-Rabia, quatrième exercice. Maza yaf'alu sa'iq as-sayyara fi al-mawaqif al-atiya. Qu'est-ce que le chauffeur fait dans ces situations? Kharaja min manzilihi dun an yahmila rukhsat al-qiyada. Qu'il sortait de chez lui sans avoir pris son permis de conduire. Yarji' ila baytihi. Il retourne à la maison. بعد المشاة يرفعون أيديهم ليركبوا معه. Certains piétons font du stop, on va dire. Ils lèvent leurs mains pour monter avec lui. يقف. En France ou en Martinique, ils s'arrêtent pour la femme. Si c'est une femme qui fait du stop, il s'arrête direct. Il passe par un gros coup de frein. C'est des hommes, c'est autre chose. La blonde, elle marche toujours en stop. Toujours on la prend en stop. Mais des fois, elle se fait tuer. On entend aux informations, une jeune femme de 18 ans a retrouvé découpée en morceaux sur le coin de l'autoroute, je sais pas quoi, kaza. L'autostoppeuse a été retrouvée morte, hein, violée, puis torturée, puis je sais pas quoi. Voilà. مرة أمامه بعض تلاميذ المدارس. Certains écoliers sont passés devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Yaqif. Ah bah des fois en France, ça aide pas. Combien d'entre eux qui sont fait éclater par des voitures? Des petits enfants éclatés par une voiture et tout. De toute façon maintenant ils mettent des dodanes. Dans le lieu où il y a des écoles, on met des dodanes. سائق سيارة أخرى يطلب مساعدته. Un autre chauffeur désire de lui qu'il l'aide. Il demande qu'est-ce qu'il a besoin. Il va dire pousse. Plus de batterie, pousse la voiture, il va dire. Comme ça arrive souvent ici. Tu l'as vu. Hein? Ici, ouais. Tout le temps. Faut que tu pousses. Même des gros camions, pousse. Allez. Mais t'as vu, il y a des taraouds, les gens ils s'entraident. Tu vois? Alors qu'en France, ils te voient, t'arrêtes, ils accélèrent direct, tu n'as pas le temps. ضربت سيارة أخرى سيارته من خلف من الخلف une voiture l'a frappé par derrière l'a heurté par derrière qu'est-ce qu'il fait n'oublie pas hein. Je veux un yéménite je veux pas un français j'ai dit كيف Mais tu dis qu'il s'est fait taper par derrière par notre voiture. Comment il réagit? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas toi, en tant que témoin. C'est lui, comment il réagit? Fais un constat? Non, ici il n'y a pas de constat. Non, ici il n'y a pas de constat. Après, ça arrange entre eux. لديه موعد هام والسرعة المسموح بها تؤخره عن موعده. Il a un rendez-vous important, la vitesse limitée le retarde de son rendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? يسبير على عدم تجاوز الحد. Il évite de dépasser, il se patiente et il ne dépasse pas la limite autorisée. Donc ça chauffe, c'est un radical lui aussi alors. Il obéit bien. La peur pour son portefeuille. Hein? La peur pour son portefeuille. Khamis. Istardim faddala fi takwin falaf jumel mushabahatin l'jumlat talia. Donc tu écris le mot, tu utilises le mot faddala qui veut dire préféré. En trois phrases ressemblant à l'exemple cité. فضل الذهاب ماشيا. Il a préféré se rendre là-bas en marchant. Il a préféré la marche. Donc tu dis rakiban. Ouais. فضل الذهاب راكبا. ما اعراب ماشيا هنا? C'est quoi son i'rab ماشيا? Quel est mon soub? Yesh, Mashien, Orakiban, Mansouban. C'est Sifa Al-Dahab. Kif Sifa? Al-Dahab Ma'rifa. ألف واللام وماشيا نكرة كيف هذا أيوة لماذا ماشيا منصوب هذا حال سحل سحل مفهوم سحل يا ربو حل منصوب نعم ثم واسي موجي كفي راكبان هاتو الغست هذي دون الغست الغست سيلسي راكبان سيلسي راكبان موجي كفي بدراجات ثاني قدرة ذهب بالدراجات نعم مفهوم C'est cool. Fadzala al-akl, j'ai Alisson. Il a préféré manger en étant assis. Hamt. Ouais, voilà. Fadzala al-libas abiat, al-libas aswad. Qui a préféré le vêtement blanc sur le vêtement noir. Ben, istardim, lafata nazar فتكون ثلاثة جمل مشابهة للجملة التالية. Donc là pareil, sauf que tu utilises le terme latafa ou lafata fon nazari. Ça tire le regard. La phrase c'est lafata nazar Ahmada sharti ul murur wa huwa yaqifu ma'a sa'iq as-sayarat al-kabira. Que le regard d'Ahmed est attiré par un policier qui est arrêté ou stationné avec un chauffeur de camion. Tafadhal. لفت نظر أحمد الشرطي المرور وهو يقف على واقف مع سائق التراجع وثاني ثالث لفت نظر أحمد الشرطي المرور وهو واقف مع وهو يقف وهو يقف مع مشاة كبيتو طيب استخدم مجدا يسأل في التكوين ثلاثة جمل مشابهة لجملة التالية باري فيدي كوا وجد الشرطي يسأل السائق عن رخصة القيادة il a trouvé le policier en train de demander au chauffeur son permis de conduire طيب à propos de la carte d'identité وجد الشرطي يسأل السائق عن الأوراق الخاصة بما يحمل السائق بما يحمله بما يحمله il a interrogé sur les feuilles trois fois ce qu'il transporte وجد الشرطي يسأل السائق t'as fait 3 hein t'as fait 3 là non les deux ouais vas-y يسأل السائق عن الهدف كيف هدف Je ne sais pas si Hadef, là, il y a combien dans cette phrase عن المكان الذي يريده مثلا السادس أكمل الجملة التالية بأسلوبك complète phrase suivante avec ton style à toi توقف طيب تتوقف السيارة عندما يضيء que la voiture s'arrête au moment où s'allume إشارة الأحمر نعم le feu rouge وتتحرك عندما et tu pars quand إشارة الشرطي مرور عندما ماذا؟ C'est lorsque tu bouges lorsque c'est le contraire de l'autre. Lorsque tu t'arrêtes, tu vois si tu pars quand. Quand est-ce que tu pars? Quand le feu était rouge, tu t'arrêtes. Quand est-ce que tu repars? Je ne vais pas te l'apprendre. عندما يضيء إشارة الحضرة إذا كنت تسير ببطء فعليك أن تسير أو أن تسير عفوا si jamais tu avances tu roules lentement alors tu dois rouler j'écris مبكرا ouais. تو رابعا يعبر المشاة من الأماكن الخاصة بعبور المشاة وهي تتكون من خطوط Donc les piétons traversent dans des lieux qui leur sont propres. Et ce sont des lieux avec des lignes. Bayda. Une photo de Bayda. Non. Ce qu'on appelle un passage clôté. عليك أن تقرأ الإشارات التي تحدد سرعة داخل أو. Donc tu dois lire les indications qui te limitent la vitesse à l'intérieur. Ou تفضل تقرا عليك أن تقرأ الإشارات التي تحدد السلعة qui te limite la vitesse. Là tu dois mettre un mot et داخل un mot et après أو un mot. سورة المسموح المسموحة داخل داخل ايش داخل القرية نعم او خارج او خارجها طيب نعم سابعا املا الفراغات فيما يلي بكلمات مناسبة من الكلمات الجديدة التي مرت عليك في هذا الدرس. Donc tu combles le trou avec les mots qui correspondent parmi les mots nouveaux qu'on a appris dans ce cours. تتوقف السيارة عندما تضيء الحمراء. L'ishara, طيب. La voiture s'arrête lorsque le feu rouge s'allume. سابعا يبدأ المشاة عندما تتوقف السيارة. يبدأ المشاة عندما تتوقف السيارات ماشي ماشي يعني عبور traverser les piétons parce que la voiture s'arrête là c'est عبور dans un piéton la traversée عبور c'est le passage ah oui voilà traversée عبارة عبور c'est une traversée. Là, c'est pas un verbe, c'est un masdar. يجب على السائق رصد القيادة عندما يطلبها شرطي المرور. Qui est obligatoire au chauffeur de son permis de conduire lorsque le policier lui demande. Là. Là, ça, on veut les mots du texte. إبراز. رابعا على السائق أن يتأكد من أنوار السيارة قبل معادلتها. Que le chauffeur doit s'assurer de des phares de sa voiture avant de partir. نعم. L'extinction de ses feux. يجب على المسافر الإهداء بالإشارة التي تحدد السير. Que le voyageur أفن الإهتداء يجب على المسافر الإهتداء بإشارة التي تحدد السير. Que le voyageur doit se tenir sur les indications qui limitent السير. أسي تحدد ماذا سرعة السير. لا تتجاوز السيارة التي أمامك إلا إذا كانت طريق dépasse pas la voiture qui est devant toi sauf si la rue est طريق واسع ouais mais dans le texte je vois pas tout le mot mais le معنى صحيح. سابعا المرور ينظم حركة السير ويساعد على تجنب الحوادث. Que là, il y a un mot à mettre. De la circulation organise les mouvements, on va dire la circulation, hein, et aide à éviter les accidents. Hawadith, c'est le terme de hadith qui veut dire accident. Dans le sens de la carambolage. Naam. Shortiyu, shortiyu el murur. Thaminen. Du'a alikum, indes salah. Tu fermes lors de la salat. Non. Jawel, non. Mais je ne sais pas si vous voulez comme mot par rapport au texte. Ouais, mais sur le... chez moi, je n'avais pas compris même la phrase. Tasi'an fi Mekka al-Mukarrama tamur sayarat min khalalihi. À Mekka, les voitures passent à travers. نعم التونيل احسنت عشرا فن وذوق وأدب. Non, non plus, je sais pas. Même fan là, dans le dictionnaire, je trouve embellir. Et après, j'ai pas. Je sais pas, donc vas-y, on passe. الثامن يستخدم كل كلمات من الكلمات التالية في جملة من إنشائك. Utilise le mot suivant dans les phrases de toi. إشارة. إشارة إيش؟ مرور. المرور. عبور. مرور. إشارة المرور. المضاف إليه. لا إشارة المرور. إشارة المرور. كل مرورة. وفا. ها؟ لي فو. واه سي إشارة المرور. صبركم. عبور. عيد لي با كومبري في مره الناس نعم في خط عبور المشاة عبور المشاة في خط عبور المشاة ابراز اشارة المرور ابراز من الطريق لا Ça ne correspond pas. Mayuna, c'est... Salam. Takoul Echarti, Talaba Bissayek, Ibraz, Rosat Qiyad. Rosat Qiyad. Que le policier a voulu du chauffeur qu'il présente son... permis de conduire. Très bien, on a pris les deux ensemble. On a pris bronze ou alors ça crée là. Frasque. Il te fait une. من السائق؟ السائق أن يسير في اتجاه آخر. شحنة. تحمل الشاحنات الشحنة ثقيلة. شرطي المرور. حوانت شهدت كثرة حوانت حوانيات حوانت حوانت في الشارع في الشارع المقدش نفق استخدم السائق نفق للوصول استخدم السائق دفقا للوصول من فرنسا الى بريطانيا شاحنات نقل اهل الدماج بالشاحنات كبيره نعم طيب سنقف هنا لأن تأخرنا اليوم فصلنا خمس دقائق. في اللي فيه؟ بازي ما تشوفون فيه؟ عفيد؟ طيب التاسية يقول حول ما بعد الفكرة الرابعة من النص سائق السابق عفوا في هذا الدرس إلى حوار بين السائق وشرطي المرور. Donc le quatrième paragraphe se transforme en conversation entre le policier et le chauffeur. J'avais écrit salam alaykoum, comme ça. Aعطيني الرخصة للقيادة. ما في اللي فلان. رخصة القيادة. نعم. وبطاقة شخصية والأوراق بما تحمل. Allez, donne-moi ton permis de conduire, ainsi que ta carte d'identité et les feuilles de ta charge. Ensuite, le sahir qui dit ta fadal. Il dit, tiens, en sens. Ailleurs. Shorty. عرفت أن هذا الطريق ممنوع للشاحنة. طيب n'as-tu pas su que cette rue était cette route était interdite aux camions؟ سيقول عفوا ما أدري. Désolé, je ne sais pas. Dis plutôt ما كنت أدري, je ne savais pas. وسائق يقول كذلك ماذا أعمل للوصول إلى الهدف؟ Dis comment je fais pour arriver à ma destination. Donc retourne en arrière, alors reprends au précédent et regarde les indications qui te correspondent. طيب والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com